quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas qu'il y a dans la zone, donc je fais mes pailles, toujours là, money, money, money, money, cash, on veut finir, money, money, money, money, cash, donc quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas qu'il y a dans la zone, donc je fais mes pailles, toujours là, money, money, money, money, cash, on veut finir, money, money, money, money, cash. Les comptes m'interpellent, pas de hôtel, je vais pas faire de PL, donc pour ça je paye. On en a fait des passes, on en a qu'un des tasses, connu la vie des halls, maintenant on voit les liasses. Non, je regarde ma folie, je suis pas un acteur ou un Tommy. Rappelle-toi l'époque où je découvrais les plaquettes comme les cordes en Grey's Anatomy. Plus rien d'impossible, j'étais petit et hostile, la rage dans le cul j'affaire, faisais rien de logique. Mais depuis j'ai compris qu'en travaillant fort j'arriverai à faire ce qu'il faut. J'ai passé des nuits dans mon hall, format 3 avec tous mes esquimaux. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cœur dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cœur dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas qu'il y a dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. Hey, hey. Faut pas parler pour rien, je veux les millions ou bien. Ya ya ya ya, ce sera mon seul soutien. Je m'envole en voie une masse, personne prendra ma place. Rendu auprès des loups, mental de chien de la cage. Finir en DM ou OG, 200 mètres carrés pas un doji. Rappelle-toi l'époque où Sarah c'était à la guerre, ouais sa mère on était maudits. Ouais j'emmerde les insignes, question du principe. J'ai déjà fait pleurer maman, je serai toujours hostile. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. Quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir, monnaie, monnaie, monnaie.